Tu parles. Comment ça se fait qu'on n'a jamais eu autant de réseaux sociaux, puis le monde, il ferme le gueule? Chris, ça n'est un système d'esclavage, ils le voient pas. Ben, c'est parce que ça T'sais, dé, ça on ça n'a dé... jamais été aussi imposé qu'à cette heure. On n'a jamais eu autant. Je veux dire, le pouvoir d'achat, comment ça se fait que dans le temps, un ouvrier, il pouvait faire vivre une femme puis 8 enfants avec son seul salaire, puis être propriétaire de sa maison, puis à cette heure, t'as 2 personnes, les deux travaillent, ils ont un enfant, puis ils arrivent pas. Puis ils sont à loyer. Chris, c'est ça, là, à un moment donné, là. Si t'es là, tu dis, ah, ben, c'est le contexte social qui fait ça, puis j'accepte ça. Puis ils ferment le gueule. Ben, ils sont responsables de ça. Puis ça veut dire qu'ils souffrent pas assez. On est conditionné pour pas changer rien. Puis ça va empirer de plus en plus. Puis ça, on s'en va de plus en plus vers la fin de... Parce qu'il y a du monde qui ont décidé, ben là, faut aller vers un monde nouveau. Comment ça se fait que le monde n'a plus le même niveau de littératie? On n'a jamais eu aussi peu d'analphabètes, mais Chris, ils sont même plus capables de lire les malheurs de sa vie. Il y a un problème, là. Je veux dire, on est noyé dans l'information, puis on nous a pas, on n'enseigne plus le sens critique ni le discernement, c'est plus encouragé. Fait que ça donne quoi, là? Mais... Tu sais, à un moment donné, il va falloir s'en rendre compte de ça, que on se tire dans le pied. T'sais, on est en train de s'handicaper avec des béquilles. On est en train de devenir une société inférieure. La société occidentale, c'est inférieur. C'est la mort de notre civilisation.